J'ai le son qui transperce. On y croit. Face pour le verre. Le cas si je perds. Yeah. Appelle-moi, n'appelle personne. L'homme qui vaut 10 personnes. Je dis personne. A vu ma ou quelques personnes. En perso, j'ai le geste, l'art et la gestuelle. Négro, sensuel, trop ou peu sexuel. La tout, bah. Troisième, tu n'en suis pas tout. Bab, donc dégage du camp. Choisis ton clan. Si c'est le bougon, je suis le bouquet. Fais bien ton plan. Pelec au but qui viennent toquer. Les ors sont choqués, les miens sont tôt. Pays développé, ma tech est trop. Qui peut la faire? Toujours top dans le rap game. Appelle-moi player. Big man, un grand cru. Parmi les meilleurs qui osent poser comme moi. Je connais comme rime, pose. Me stopper, mais comment aller? Avec tes conneries, tu me fais connerie. Les rappeurs saignent du cul normal. J'ai mis des coups de rancorie. Vois les plaques sur mon dos. Écoute, je nique la plaie pendant que ta meuf me suce le commando. On gère les Daily South, le rap de killer. On est trop dans les jazz d'Aroko. Nuit c'est killer. Le flow est violent. Quand j'offre des ulcères, que les suceurs attendent la bouche ouverte que je vienne les viscères. J'rappe, j'fais mal. T'es dans la merde, dans la merde. J'ai trop de valeur, tout le temps se prend pas pour de la merde. Pour de la merde. Y'a le diable et son avocat. Ma clique et le podcast. Pas là-bas, mais t'es rocker. Mon flow s'arrête, c'est pour ZK. J'vais pas t'épouser. Trop heureux, ça va me jalouser. 92 le Val de Marne, ça va partouser. Quand ça j'ai mensagé, j'en moi j'déchant, y'a que ça d'adolescent. C'est pas le rap des sans maison, c'est pour les familles d'Arcassant. Rien à prouver, la rue a lu et a prouvé. T'as vu, t'as trouvé, à présent de la haine, tu vas éprouver. J'ai la maîtrise du peura. T'as pris ça dans ta sœur. Qui s'enflot pour liquide en copine, m'amène ses spins. Mini pris de vitesse directe, le rattraper serait trop stupide. Dans le mille, j'arrive en balle. J'ai des rimes en ribambelle pour réparer le rap en panne. Pour l'enterrer sans l'appel. À l'appel, c'est NH. Le micro devient une hache. Quand je passe à l'offensive, je vise les gens, c'est de ces vaches. Mec, écrase et lâche l'affaire. Arrache-toi par toi ailleurs. Je veux la faire à l'envers. À tous ces rappeurs en tailleur. Mon, le style se faut. Fil en freestyle, full fire. Sur instrumental, attentat du soldat mitrailleur. Wesh alors, elles sont où? Toutes ces tasses en chaleur. Qui voulaient connaître la valeur de l'élément perturbateur. Icar, clip ou cave, j'ai boule comme une balle. T-A-N sur ce track, j'suis marquant comme une balle. Comme une boule, peu partez. Au mic, la manchette. Quand j'rappe, je retrouve ma haine. Appelle-moi, appelle-la, j'ai. Motherfuck, ne te compare pas à Wham. Wham. Moi j'rappe vénère, toi tu chantes comme une femme. Sur la tête de ta meuf que tu comme ça chatte. Pa, flamme au pour sa chatte. T-A-N, A-K-A, dirty barbare. Dirty bâtard, dirty bagarre. Dirty chétan, dirty bécan. Dirty cric cric, dirty tu can. Génial.